À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sun-gun par le général Kim Jong-il, le capitaine et les matelots du bateau bâton-pavillon jamaïcain New Global ont tenu le 24 au port de Chongjin dans la province du Hamgyong du Nord un rassemblement commémoratif. Les orateurs ont indiqué que grâce à la direction de Sun-gun du général Kim Jong-il, la Corée manifeste aujourd'hui son prestige de fabricant et de lanceur des satellites et de digne puissance nucléaire détenant même la bombe à hydrogène et sauvegarde parfaitement la dignité et la souveraineté du pays ainsi que la sécurité de la région. Ils ont finalement adopté une lettre à l'adresse du camarade Kim Jong-un.